2011 poteau, c'est du rap coup de poing. Gilelli featuring là-haut. C'est du rap coup de poing à la manière du King Mister Luther Martin. Sorti du ring de la puissance de l'ouragan. Carter à rouge, c'est les gants. Parce que le savoir est une arme. Mes vocales déballent sa cam. À coup de grosse caisse, fais tourner le son dans la caisse. Je reste violent dans mes récits, mais à la manière de Gandhi. Et ouais, vas-y, attaque-moi. Refrain, je répondrai pas. Je réponds aux imbéciles par une portée de silence. Ce n'est pas que je suis docile, mais je respecte la non-violence. Jusqu'à la limite des instincts que je combats à chaque instant. J'aimerais rassembler les stats à la manière de Pico. Sur le beat, je me mets à table, car vraiment j'ai les crocs. C'est le son de la révolte, puissant comme Usain Bolt. Tu peux considérer ma rime comme une grosse droite pour Marine. Dans le gros but à Jean-Marie, ou pleine face à Sarkozy. Comme un couteau qui puise le sens de ses mots sur la tombe Ernesto, texte tête brûlée, qui garde leur poing levé malgré un poignet fracturé. Engagé comme Marley, on frappe violemment comme Marcel Cerdan. C'est du rap sans clan, n'oublie pas ton protège-dents ou tu vas repartir sans le visage tuméfié en sang. Je reste violent dans mes propos pour pousser à la réflexion. Trop s'arrête à la violence des mots sans chercher compréhension. C'est du rap coup de poing, une révolte contre l'État, car il marche sur nos droits et il crache sur nos voix. Je garde des termes explosifs contre le système répressif qui taxeront d'excessif de déplacer. Agressif, je pèse le poids de chaque mot que j'utilise, calibré à la hauteur de leurs préjudices, et on achèvera le combat, tout c'est quoi la Lumumba. On rappe à l'écro, coup de coude ou de couteau, je forge mes mots entre l'enclume et le marteau, les taux se resserrent sur nous, il est temps que tourne la roue, roue de coups. Notre vie s'accroche au mur, s'endurcit pour l'avenir. Encaisse pour mieux partir, tel un volcan qui sommeille. Violent sur la réveil, la rage boue dans mes veines. À cœur ouvert, mon stylo saigne. Je donne naissance à mes vers, l'oreille tournée vers l'abbé Pierre. Mon rap à l'écrou, coup de couteau de couteau. Je forge mes mots entre l'enclume et le marteau. Les taux se resserrent sur nous, il est temps que tourne la roue. Roue de couture, notre vie s'accroche au mur. S'endurcit pour l'avenir, encaisse pour mieux partir. Tel un volcan qui sommeille, violent sur le réveil. La rage boue dans mes veines, à cœur ouvert, mon stylo saigne. Je donne naissance à mes vers, l'oreille tournée vers la.